masque, chien, le temps, pas les râles, les teutrés, les regrets, peut-être à force, mais pas question que je m'inquiète. Je reste près de mes ressentis, mais je veux pas juste compter les centimes et écrire des sentiments tristes. Efficace quand il s'agit de boire, là où on rit quand on se détruit, réduit à fuir devant les képis. Viens voir derrière la dernière couche de crépi les vraies histoires qu'à l'encre noire je rédige. Génération vodka oasis qui encule les néo-nazis, rêve de vacances aux Maldives. On est pâle, vicieux et mal parti, dramatique. Ma mémoire disparaît par magie. Ma génération râle et crache à rage, rarement à jeun, arrache les pages du cahier. Écriture fine spontanée, l'épine plantée dans ta semelle. L'esprit léger et du son lourd dans la tête. Allume la tête quand tout va mal. Et je fais pareil quand tout va bien. Dans l'engrenage comme une horloge, ça t'affonce sous-marin. On roule en road et ouais, la route qui nous a plombé. On est tombé dans le vide très tôt, perdu dans nos pensées. On va se coucher quand tu pars au taf. Et fais couler l'encre sur la feuille quand tu t'endors au calme. Propagande vocale, on a la haine, faut ça s'agir. Ouais, toujours là quand ça s'agit. Je conjure un futur proche, mais putain, qu'est-ce qu'on va devenir. Vigo, si la route tourne, je crois que par ici elle est voilée. Quelques pylônes s'envolent, juste une envie, c'est de mettre les voiles et aller. J'affronte la vie, ses aléas. Ouais, c'est par les gars, sans peur ni écriture. Je t'avoue, je m'égare. Un besoin de pylônes comme carbu. Je me fous des gens et de leur regard. Ouais, de mettre rap, t'as au carbu. Ça te fera pas remonter dans le time, frelot. Je suis nostalgique, mes années passées au checks. Fête de victoire, de défaite, de poteaux enfermés ou dead. Stylo et feuille, je me prends la tête. Réussir, c'était mon but. Plus jeune maintenant, c'est faire du bon son et de baiser les putes qui gênent. Et comment ça, j'ai pas ma place dans ce piste. Finalement, c'est pas plus mal, je m'isole et je reste loin de ces suceurs de biche. Je navigue en marche, je viens d'en bas. Si t'as un gros plan, n'attends pas, on me voit pas. Je navigue en zoom, zoom. Je prépare l'attentat avec 2-3 frères soudés. Et en soliste quand la haine m'obsède. Des GCS, OTTR, Vito, violo et O. Allume la tête quand tout va mal. Et je fais pareil quand tout va bien. Dans l'engrenage comme une horloge, ça t'affonce sous-marin. On roule en road et ouais, la route qui nous a plombé. On est tombé dans le vice très tôt, perdu dans nos pensées. On va se coucher quand tu pars au taf. Et fais couler l'encre sur la feuille quand tu t'endors au calme. Propagande vocale, on a la haine, faut ça s'agir. Ouais, toujours là quand ça s'agit. Je conjure un futur proche, mais putain, qu'est-ce qu'on va devenir. Nuit blanche, je cogite et je m'assassine. Y'a du pain sur la planche, quand je me bute et je prends racine. Y'a pas de racine carré, pas de pari, pas net. Parfois je me sens observé quand je suis sur une autre planète. Gueule de bois, pas de gaulois, tous les jours c'est la même. Rien que je fume et rien que je bois, je traite ma vie comme une lamelle. On continue de vociférer jusqu'à en perdre la voix. Vivre c'est rude, faut s'y faire et surtout pas perdre la foi. J'ai rien du putain de rockstar, ni de ce bâtard en costard. Bien loin des croisières costa, ici la cause est nostra. J'ai constaté que les constats pour de la monnaie des bonnes ça. Y'a pas qu'au fric les rostacles, les constats. Auto-certes obstacles, les mômes stagnent. Les années passent pendant que tu fumes. Des gros tags, et je gratte des tags, j'affûte ma plume. Le soir, je m'allume la lune à remplacer le soleil, c'est ainsi. Rempli de rancune, je dégueule ma haine, PSN, on s'est ainsi. Ouais, toujours là quand ça s'agit. Je conjure un futur proche, mais putain, qu'est-ce qu'on va devenir.